yeux, oui seulement d'elle. Un bruit léger souffle dans les cheveux. Il s'approche lentement, suavement. Et langoureusement me frôle l'épaule. Qui m'assombrit.